بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, on avait terminé de lire la dernière fois le chapitre le sixième, donc sur l'explication de la ilaha illallah et du tawhid. On avait dit à la fin du chapitre, le cheikh Ibn Qasim, il dit وَيَكْفِي الْمُنْصِفَ مَا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ فِي بَابِ حُكْمِ الْمُرْتَدِ فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا فِيهِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً يَكْفُرُ بِهَا الْإِنسَانُ. Donc on avait parlé du hadith de Abi Malik al-Shaja'i an Abi, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Et donc ensuite le shir, il avait parlé, donc il avait montré donc clairement le hadith, il signifie que qu'une personne est musulmane si elle réalise donc ces deux choses, donc qu'elle prononce la shahada, mais aussi qu'elle, ou dans une version, comme on l'avait vu dans une version de Mousnad de l'imam Ahmed, man wahad Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah, man wahad Allah. Donc on avait dit qu'en regroupant ces riwayats là, on retrouve le sens de la ilaha illallah, qui est l'adoration d'Allah seul, et le rejet du shirk, ou le rejet de toute autre divinité adorée en dehors d'Allah. Et que celui qui ne réalise pas ça n'a pas préservé son sang et ses biens. Et donc, on tire de là qu'il n'a pas réalisé l'islam. Puisque c'est l'islam protège le sang et les biens. Et donc, on avait dit que la première chose qui rentre dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa kafara bima yu'badu min dunillah, donc, ou dans un autre terme, al-kufr bit tarut, ou dans d'autres versets, ijtinab at-tarut, la première chose qui rentre là-dedans, c'est quoi? C'est le délaissement du shirk, que ce soit par le cœur, la parole, ou les membres. Comme Allah Ta'ala il dit en nous montrant quelle est la signification de Ijtinab at-Tarut dans le verset de Surat An-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ وَجِتَنِبُ الطَّاغُوتِ. أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ, l'adoration d'Allah, وَجِتَنِبُ الطَّاغُوتِ, Ijtinab at-Tarut. Ou dans l'autre verset, il nous dit وَالَّذِينَ جَتَنَبُوا الطَّاغُوتَ عَمَّذَا أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ. Donc, اِجْتِنَابُ الطَّاغُوتِ يعني اِجْتِنَابُ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ. Donc, celui qui commet du shirk al-akbar, il n'a pas réalisé l'islam. Même si on a jugé de son islam avant cela, ça, le fait de commettre du shirk, c'est une sorte de ce qu'on appelle de ridda. Il devient mortet, apostat. On dit en français apostat, mortet, c'est quelqu'un dont on a jugé de l'islam et qui sort de l'islam et qui revient vers le kofr. Donc c'est une sorte, le shirk al-akbar, c'est une sorte, ça fait partie des choses qui annulent l'islam. Et comme il le dit ici, on retrouve ça dans quasiment tous les livres de l'Fuqaha, dans un chapitre qui s'intitule le chapitre de l'apostat, donc Bab ou Kitab al-Murtad, ou Bab al-Hukm al-Murtad, ou Bab al-Murtad. Et ce chapitre-là, dans le livre de Fiqh qu'on retrouve, quel que soit le type de livre, hein, que ce soit des résumés ou que ce soit des encyclopédies, on retrouve ce chapitre-là et on trouve que les ulama, ils ont cité des paroles et des actes, puisque c'est le sujet du Fiqh. Le sujet du Fiqh, ce n'est pas la croyance en cela. La croyance, on étudie ça dans les livres de l'Aqida, dans les livres de l'Iman. Mais dans les livres de Fiqh, Le fer conseil, c'est donc les statues qui concernent quoi? Qui concernent les paroles et les actes des gens responsables, des mukallafin. Donc les ulémas, dans leur livre de fiqh, ils citent des paroles et des actes. Et en général, en premier lieu, ce qu'ils citent comme annulant de l'islam, ce qu'ils vont citer, c'est quoi? C'est le shirk, shirk akbar. Ça, comme il le dit ici, et il suffit pour quelqu'un, pour n'importe qui est juste, ce que les ulémas ont cité dans les ulémas de tout madhhab, ce qu'ils ont cité dans leur livre, dans le chapitre du murtad. Et ils ont évoqué de nombreuses choses. Donc là, ici, là, Fibaham, Ashia, on va voir, ça regroupe des paroles et des actes par lesquels la personne, elle mécroit. Par lesquels la personne, elle mécroit. Donc, on avait dit que, Inch'Allah, on va commencer avant de continuer le chapitre suivant. Donc, le chapitre suivant qui traite de tout ce qui est talisman. Babun min al-shirki, lubsul halqa, wal khayt, wa nahwihima, li raf'i al-bala, wa daf'i, aw daf'i. On va lire une petite partie dans un livre de fiqh. Bon, ici, il s'agit de fiqh hanbali, mais on retrouve la même chose dans les autres mazahib. Et on va voir ce fameux chapitre du statut de l'apostat, hukm al-murtad, et ce qu'on peut trouver dans ce chapitre-là, dans les livres de fiqh. Et on va voir comment les ulémas, ils ont classé ce qu'on appelle les annulants, les nawaqid, ou ce qui va contredire la foi. Et qu'ils ont fait la différence entre ce qui contredit la base de la foi et ce qui va contredire la base, mais sous certaines conditions. Ici, on a par exemple un livre qui s'appelle Al-Sharh Al-Kabir. Donc, c'est une explication d'un maître Hanbali qui s'appelle Al-Muqni', qui a été écrit par Ibn Qudama. Ibn Qudama, rahimahullah, son neveu, il a expliqué ce livre-là. Donc, il est connu, sa kunya c'est Abu Omar. Et son livre c'est Al-Sharh Al-Kabir. C'est un livre très connu chez Al-Hanabila, chez les savants du madhhab Al-Hanbali. Et donc, il a expliqué Al-Muqni' d'Ibn Qudama. Al-Muqni' qui est, on va dire, l'équivalent un peu de Al-Minhaj chez Al-Shafi'iyya. Donc, c'est un livre où Ibn Qudama il a cité les différentes riwayat du madhhab. Et Al-Muhim, son neveu, il a expliqué son livre Al-Muqni' en se basant sur Al-Mughni. Donc il a pris ce qu'on retrouve dans Sharh Al-Kabir, c'est essentiellement ce que Ibn Qudama lui-même a écrit dans Al-Mughni. Donc il dit Bab Hukm Al-Murtad. Bab Hukmi Al-Murtad. Il dit Al-Murtad huwa raji'u عن دين الإسلام إلى الكفر. قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. واجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين. وروى ذلك وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد بن الوليد يعني رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم فلم ينكر ولم ينكر فكان إجماعا. Il commence là par expliquer ce que c'est le murtad. Le murtad, ça vient de rad ou de irtadda. Dans la langue, c'est le fait de retourner vers quelque chose. Ici, ça signifie celui qui retourne de l'islam vers le kufr. Donc, c'est quelqu'un dont on a jugé de son islam et qui dit une parole ou qui fait un acte qui va le faire sortir de l'islam, par lequel on va juger de son apostasie. Encore une fois, ici, les croyances, ça ne regarde pas. Croyance, c'est entre le serviteur et Allah Azzawajal. Ce qui va servir de cause d'apostasie, c'est une parole ou un acte. Des fois, les ulama, dans les livres de fiqh, ils évoquent des fois échec. Ils évoquent de temps en temps des choses qui sont relatives à la croyance. Mais ça, c'est simplement pour informer que celui qui doute du haqq, qui doute que le Coran il a été révélé par Allah Azza wa Jal, ou qui doute de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui doute qu'Allah Jalla wa Ala seul mérite l'adoration, etc. Ça, évidemment, ça constitue une cause de mécréance ou d'apostasie. Mais c'est quelque chose qui, pour nous, dans le fiqh, ne nous regarde pas dans la mesure où on a été ordonné de juger les apparences des gens. Et Al-Qadi, le juge, il prendra en compte des paroles et des actes, pas des croyances, évidemment. Et donc, il a cité la parole de le verset dans Surat Al-Baqarah, et celui qui apostasie parmi vous de sa religion et qu'il meurt dans cet état-là, c'est-à-dire dans la mécréance, alors tous ses actes seront vains. Habitat a'maluhum. À chaque fois qu'Allah Azza wa Jal cite dans le Coran Hubut al-A'mal, l'annulation des actes ou le fait que les actes soient vains, soient bâtils, ça montre quoi le coffre. Comme qu'Allah Azza wa Jal dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Si tu commets, en s'adressant au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu commets le shirk, alors tous tes actes seront vains. Ici, ce qui est voulu dans la vainqueté totale de tous les actes, c'est il n'y a que le kufr qui annule tous les actes. Aucune autre sorte de péché n'annule tous les actes du serviteur, hormis la mécréance, le kufr. Fit dunya wal akhira, et ceux-ci demeureront au feu éternellement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui change sa religion, qui change de religion, alors tuez-le. Man baddala dina faqtulu. Et les gens de science ont été unanimes sur la condamnation à mort des murtadin, du murtad, de celui qui apostasie de sa religion. Sur l'obligation de le condamner à mort. Et ceci a été rapporté par Abu Bakr, par Omar, par Uthman, par Ali, donc les quatre califes, par Mu'adh, par Abu Musa al-Ash'ari, par Ibn Abbas ou Khalid ibn al-Walid et d'autres. Et on ne connaît pas de Mukhalif, c'est-à-dire on ne connaît personne parmi les compagnons qui a contredit cette parole-là. Et donc il s'agit d'un ce qu'on appelle Ijma'a. C'est un consensus. Alors ici, il est intéressant de faire une petite parenthèse. C'est que les ulama de Usul, ils appellent ça Ijma'un Sukuti. Ijma'un Sukuti, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une partie des mujtahidin, partie des savants, émettent un statut sur un acte, une parole. Ils sont tous unanimes. Ces quelques savants-là sont tous unanimes. Et cette parole, on sait qu'elle s'est propagée entre les autres ulama et que personne ne l'a contredit. Ils appellent ça Ijma'u Sukut, c'est-à-dire que si les autres avaient considéré que cette parole-là, que ce jugement-là, ce statut-là est faux, ils l'auraient rejeté, ils l'auraient contredit. Or, ça, c'est ce qu'on appelle un peu. Ils appellent ça aussi Ijma'un Iqrari. Iqrari, parce que l'Iqrar, c'est le fait de c'est l'approbation. Quelqu'un il dit une parole, il émet un statut sur une parole ou un acte. Moi, je l'entends et je dis rien. Ça veut dire que je suis d'accord avec lui. Donc, il y en a qui vont dire oui, mais al-usuliyoun, la majorité d'entre eux, ils rejettent al-ijma' al-sukuti. Il y a d'autres ulama qui répondent en disant que al-ijma' al-sukuti, c'est-à-dire l'ijma' qu'on vient de décrire, tu ne trouves aucun autre ijma' qui a existé depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même chez les compagnons, tu ne trouves pas dans un sujet où tous les compagnons qui sont capables de donner un statut sur un acte, c'est-à-dire les mujtahidin parmi les compagnons, ils n'étaient pas des milliers, mais c'est rare que tu vas trouver sur un même sujet que tous ces compagnons-là, ils se soient prononcés. En général, l'ijma, c'est comme il a été cité ici dans ce qu'il a cité ici. Ça a été rapporté par les quatre califes, ça a été rapporté par Mouad, ça a été rapporté par Abu Moussa, par Ibn Abbas, par Khalid et d'autres. Et on connaît personne. On connaît personne d'autre parmi les compagnons. J'aimerais juste savoir si le son il est bon là, vous m'entendez clairement ou... Donc, le seul ijma qu'on connaît encore une fois, c'est ce ijma-là. Il y a certains compagnons qui disent une parole. On sait que cette parole-là, elle s'est propagée entre eux et les autres ont approuvé. Personne n'a rejeté cette parole-là. Ça constitue un ijma. Et on ne trouve que ce genre de ijma. Il n'y a pas d'autre ijma qui existe. Et encore moins dans les générations qui ont suivi les compagnons. C'est pour ça que si on se rappelle. Dans le Wasitiya, Ibn Taymiyyah, il disait quoi? Il disait, ou al-ijma' al-mundabit, ou ijma' al-salaf. Ou dans une autre riwaya, on a vu, il avait dit, ijma' al-sahaba. C'est-à-dire que l'ijma' qu'on peut vraiment cerner et dont on a la certitude, c'est l'ijma' des compagnons. Parce qu'après, on sait que les ulémas, la umma, elle s'est agrandie, des mujtahidines, il y en avait plus, et ils n'étaient pas tous au même endroit. Impossible de savoir. L'avis de tout le monde, et il y en a certains qui ne sont pas au courant de certaines fatwas qui ont été faites, etc. Donc le fait qu'ils se taisent à propos de ce statut-là qui a été rendu, ce n'est pas un délil qu'il n'est peut-être pas au courant à la base. Ou peut-être qu'il y en a un qui a donné un avis à un moment, mais qui est revenu, qui a changé d'avis, etc. C'est pour ça que l'imam Ahmed, il y a des paroles de l'imam Ahmed qui dit que celui qui prétend l'ijma, c'est un menteur. Et là, il ne rejette pas l'ijma'. Le sens de sa parole, c'est pas qu'il ne rejette pas l'ijma' d'une manière globale, puisque lui-même, l'imam Ahmed, il a ramené des ijma'. Ce qu'il rejette, c'est l'ijma' après les compagnons. Le vrai ijma', comme Ibn Taymiyyah a dit, l'ijma' al-mundabit, celui dont on est capable vraiment de savoir est-ce qu'il est juste ou non, c'est l'ijma' des compagnons. Après, Allahu alam, c'est pas. Et en réalité, le fait de rejeter, évidemment, utilise la parole de l'imam Ahmed, ceux qui rejettent l'ijma complètement. Il y a des gens comme Zahiriya, ils rejettent l'existence de l'ijma. Bon, pas tous, mais il y en a certains parmi eux qui disent que l'ijma, ça n'existe pas, ou que c'est pas une preuve, et donc que c'est pas une preuve, et ils utilisent les paroles de l'imam Ahmed. El-Muhim, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Ici, c'était juste pour faire un point sur ce ijma-là. Il dit, ça, on le trouve beaucoup dans la parole de l'Fuqaha. Certains compagnons ont dit une parole, les autres n'ont pas contredit, donc c'est qu'ils étaient tous d'accord sur ce sujet-là et on ne trouve pas un autre genre de ijma' que celui-là. Ensuite, on va rentrer dans le sujet qui nous intéresse. Donc, qui dit. Donc ça c'est la parole d'Ibn Qudama dans le matin qui s'appelle Al-Muqni'. Il commence, il dit, il va commencer à citer des paroles, des actes qui constituent une apostasie. Première chose qu'il cite, فَمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ تَعَالَى أَوْ جَحَدَ رُبُوبِيَتَهُ أَوْ وَحْدَانِيَتَهُ أو صفة من صفاته أو اتخذ صاحبة يعني اتخذ الله صاحبة أو ولدا أو جحد نبيا أو كتابا من كتب الله أو شيئا منه أو سب الله تعالى أو رسوله كفر. والشارح يقول أبو عمر أن المرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر فمن أقر بالإسلام ثم أنكره وأنكر الشهادتين أو إحداهما كفر بغير خلاف. Ici, dans cette première mas'ala, il a cité certaines choses. Et à la fin, il émet le hukm. Donc, il cite certains actes et certaines paroles, et à la fin, il donne le hukm, le statut, le jugement. Il dit kafar, il a mécru, il est devenu apostat, murtad. Puisqu'ici, le sens ici, c'est, on n'est pas en train de parler du kafir asli, du juif, du chrétien, ou de l'athée, ou je ne sais pas quoi, de l'idolâtre, du bouddhiste, qui va dire ces choses-là. Qui va dire ces choses-là, ou qui va. Lui, c'était un kafir asli, aslan. Kafir asli. Là, on est bien en train de parler de quelqu'un, on a jugé de son islam. Et qui par la suite dit une de ses paroles ou fait un de ses actes. Il dit kafir. C'est-à-dire, il devient murtad. Et ici, comme on dit, il dit atlaqa. Atlaqa. Il n'a mis aucune condition. Il a mis, là, il a dit kafara walakin idha kaza wa kaza ou kafara bi shart kaza ila akhiri. Kafara mutlaqan. Il a cité quoi? Il a cité la première chose, celui qui donne un associé à Allah Azza wa Jal. Man ashraka billahi ta'ala, c'est le sujet du livre du Cheikh Mohammed, rahimahullah ta'ala, Kitab Tawhid, où le Cheikh il a exposé le Tawhid, est-ce qu'il le contredit parmi les shirkiyat, shirk al-akbar. Ici, ce qui nous intéresse dans le chapitre qu'on a vu, c'est le sens du tawhid et le fait de comprendre que d'une manière globale, quelqu'un qui commet du shirk akbar, il a annulé l'islam. Quel que soit dans n'importe quelle situation. Et c'est ce qu'on veut ici en lisant cette parole, c'est ce qu'on veut comprendre quand on dit que Ibn Qudama, ici dans le matin, il atlaqa. Il a dit kafar. Yani kafara mutlaqan. Il a cité quoi? Man ashraka billah, celui qui commet le shirk. Ici, évidemment, il vise quoi? L'akbar. Il ne parle pas du shirk asghar. Ou qui rejette la seigneurie d'Allah Azzawajal. Ou une chose de sa seigneurie. Qui rejette l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ou qui rejette un attribut parmi ses attributs. Ou qui prétend qu'Allah Jalla wa ala a pris une épouse. Ou un enfant, ou qui rejette un prophète, dont la prophétie elle est connue. Ici, c'est ce qui est visé. Par exemple, ils ont divergé les ulama sur la prophétie de l'Khidr, que Moussa alayhi salam il a rencontré, c'est mentionné dans Surat al-Kahf. Les ulama, ils ont divergé sur la prophétie de l'Khadr. Celui qui dit non, lui, c'est pas un prophète, évidemment, il ne me croit pas. C'est un sujet sur lequel il y a une divergence. Mais quelqu'un qui rejette un messager qu'Allah Jalla wa Ala, il a cité clairement dans le Coran, ça constitue évidemment un acte de mécréance et d'apostasie. Ou un livre parmi qui rejette un livre des livres qu'Allah Jalla wa Ala, il a révélé. Ou quelque chose de parmi ses livres, c'est-à-dire il n'est pas conditionné par exemple de rejeter tout le Coran, mais quelqu'un qui rejette quelque chose du Coran, même ce serait qu'une une lettre qui est mutawatira, ça constitue une mécréance. C'est pour ça que Rawafid, avant et au jour d'aujourd'hui, tous prétendent, toutes les sectes des Shia prétendent quasiment tous que le Coran qu'on a entre nos mains aujourd'hui dans le Mushaf, c'est pas le Coran qu'Allah Jalla wa Ala il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le Coran qu'on a, il a été changé. Il y a des choses qui ont été changées. Au même titre que la Torah et l'Évangile. Donc ça constitue un acte, une parole d'apostasie. Ou qui insulte Allah Azza wa Jal. Ou qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kafar. Il mécroit, il est apostat. Le savant qui explique le livre Abu Amr, juste comme ça à titre d'indication, c'était un des chers d'Ibn Taymiyyah, c'était son chir principal dans le fiqh. C'est avec lui qu'Ibn Taymiyyah il a appris entre autres le fiqh al-Hanbali. Donc Abu Amr il dit wa jumlatu dhalik, l'apostat, c'est celui qui délaisse l'islam, qui sort de l'islam, qui revient de l'islam vers le kofr. Et là, il dit quelque chose d'important. Il dit Faman aqarra bil islam. Faman aqarra bil islam, thumma ankarahu. Wa ankara shahadatayn ou ihdahuma kafar, bi ghayri khilaf. Il dit celui qui déclare l'islam. Et ensuite qu'il le rejette, ou qu'il rejette les deux shahada, ou l'une d'entre elles, il mécroit sans khilaf. Donc ici, on revient encore sur le fait qu'il dit à la fin, il donne un hukm, il dit kafar, mutlaqa. Maintenant, on va lire la deuxième mas'ala. Cette deuxième mas'ala, et les choses, d'abord, il faut dire, les choses qu'il a citées, c'est que des choses qui contredisent la ilaha illallah dans sa base. C'est que des choses qui contredisent la ilaha illallah dans sa base. Si bien que, on ne peut pas trouver la ilaha illallah et une de ces choses-là chez une même personne. Ces choses-là, elles détruisent les deux shahada à la base. Dans la deuxième mas'ala, il va citer d'autres choses. Et on va voir que ça ne va pas être une parole générale, globale, mais il va mettre une condition. Et on va comprendre pourquoi. Mais il va citer d'autres types d'actes. Il dit, ou de paroles. Il dit, al-mas'alat al-thaniya. Fa'in jahada. Wujub al-ibadat al-khams. Ou shay'an minha. Ou ahal al-zina. Ou shay'an min al-muharramat al-zahira. Al-mujma ala tahrimiha. Li jahlin urrifa thalik. لجهل عرف ذلك فإن كان ممن لا يجهل ذلك كفر. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Quelqu'un qui rejette l'obligation des cinq prières. C'est pas ce qu'il a dit. Quelqu'un qui rejette l'obligation des quatre piliers après les deux shahada. Il a dit même les cinq ici. Le fait de l'obligation de devoir la dire. Ou quelque chose de ces cinq piliers. Ou qui rend licite, qui considère licite, zina. Ou quelque chose qui fait partie des interdictions sur lesquelles les ulémas sont unanimes. Ce qu'on appelle al-ma'loum min ad-din bid-daroura. Donc ici, ça concerne quoi? L'obligation de la salat. L'obligation de la zakat, l'obligation du jeûne du mois de Ramadan, l'obligation du hajj, l'interdiction de zina, l'interdiction de boissons d'alcool, l'interdiction de riba, l'interdiction de tuer sans droit. Toutes ces choses-là que n'importe qui, parmi les musulmans, qui vit au milieu des musulmans, n'importe qui connaît ça. Même les kuffars qui sont à proximité des musulmans, savent que ces choses-là sont haram pour les musulmans. Et là, il émet une condition. Contrairement à ce qu'il a cité avant concernant le shirk, il dit les jahlin urrifa dhalik. S'il rejette ces choses-là, ou qu'il rend halal ces interdits-là par son ignorance, alors on va lui expliquer, on va lui montrer que ces choses-là sont obligatoires ou que les autres choses sont interdites. Et ici, il rajoute quelque chose derrière pour qu'on comprenne ce qu'il veut dire. Il dit « فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَيَجْهَلُ ذَلِكَ كَفَرْ » Si cette personne-là, elle fait partie de gens qui ne sont pas censés ignorer cela, alors elle mécroit directement. Pourquoi ici on est dans le cas de celui qui rejette quelque chose qui est ma'lum min ad-din bid-darura, c'est-à-dire quelque chose qui est connu de manière obligatoire, par nécessité. Voilà, je cherche le mot par nécessité dans la religion. N'importe qui vit au milieu des musulmans y connaît ces obligations-là et ces interdictions-là. Et donc, s'il rejette quelque chose des obligations, ou qu'il rend halal, qu'il déclare halal quelque chose de ces interdictions-là, il mécroit. Et son kufr, c'est quoi ici? C'est at-takdhib. le fait de rejeter, de démentir les textes clairs du Coran et de la Sunna. Et ça constitue une mécréance qui contredit les deux shahada, qui contredit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rentre dans la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tasdiq. Le fait de, le Coran c'est la vérité, les ahkam du Coran c'est la vérité. Les ahkam de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est la vérité. Quelqu'un qui rejette ça, c'est, on appelle ça kufr et takdhib. Par contre, quelqu'un qui ne connaît pas ces choses-là pour deux raisons. Les ulama, ils prennent en compte deux raisons. Quelqu'un, soit, qui vient juste de rentrer en islam. Ou quelqu'un qui habite loin des musulmans, loin de la science. Ça, c'est les deux cas dans lesquels quelqu'un qui rejette une de ces choses-là ou qui rend halal une de ces choses-là est excusé, entre guillemets, par son ignorance et il est conditionné de lui montrer le haq avant que le statut de la mécréance soit appliqué sur lui. Mais ça, comme on le voit ici, ça concerne quoi? Excusez-moi. Ça concerne quoi? Ça concerne les obligations et les interdictions qui sont connues de manière ou par nécessité par tout le monde. Ça ne concerne pas le shirk akbar. Ça ne concerne pas le fait d'insulter Allah et son messager. On voit que dans la première mas'ala, le shirk, il n'a pas mis de conditions. Il a dit kafar. Ici, il a dit quoi? Li jahalin. Là, il a mis la condition de l'ilm. De l'ilm pour celui qui, encore les deux catégories que les ulama citent, celui qui vient juste de rentrer en islam ou celui qui est dans une contrée lointaine où la science n'est pas arrivée. Mais quelqu'un qui vit au milieu des musulmans, celui-là n'est pas excusé, il mécroit directement, il devient apostat directement. C'est pour ça que les ulama, ce qu'ils prennent en compte comme facteur, c'est l'état des gens dans lequel cette personne-là, elle vit. Si on interroge les gens autour de lui et que tout le monde est ignorant de ces ordres-là ou que tout le monde rend halal ces interdits-là, là, on va dire on est dans un endroit où il y a la science, il n'y a pas de science. Si les gens à côté de lui connaissent ces choses-là, il mécroit directement, il devient apostat directement. Et ça, encore une fois, ça ne concerne pas le shirk, ni le fait d'insulter Allah et son messager. Ça, c'est des choses que quelqu'un qui les commet, qu'il soit ignorant, savant, qu'il vienne de rentrer en islam, qu'il habite où il veut sur la planète Terre, où il veut sur la planète Terre, c'est quelqu'un qui est apostat, dont on juge l'apostasie. C'est quelqu'un qui sort de l'islam. Non. Jay. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Donc ici, on a un commentaire du Abu Amr, donc qui explique le livre. Il dit "Annahu qad bada." شرحوا حكم وجوب الصلاة وغيرها من العبادات الخمس في كتاب الصلاة ولا خلاف بين أهل العلم في كفر من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها إذا كان ممن ليجهل مثله إذا كان ممن لا يجهل مثله وذلك يا كلكا كاين كاميرا لا جو سي توا محمد تعمل توكم on voit que tu pousses de la fonte en traître là pour être balèze ça. لا يجهل مثله ذلك فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام والناشي بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره وعرف ذلك وثبتت له أدلة وجوبها. فإن جحد بعد ذلك كفر. On va reprendre là, parce que là c'est important, c'est ce dont on a parlé avant. ولا خلاف بين أهل العلم في كفر من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها إذا كان ممن ليجهل مثله ذلك. فإن كان ممن لا يعرف ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بدية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره وعرف ذلك وثبتت له أدلة وجوبها فإن جحدها بعد ذلك كفر. وما إذا كان الجاحد ناشئا بين المسلمين في الأمصار بين أهل العلم فإنه يكفر بمجرد جحدها. وكذلك الحكم في مباني الإسلام كلها وهي الزكاة والصيام والحج، لأن مباني الإسلام وأدلة وجوبها لا تكاد تخفى إذا كان الكتاب والسنة مشحونين ومشحونين بأدلتها والإجماع منعقدون عليها، فليجحدها إلا معاندون للإسلام ممتنعون من التزام الأحكام غير قابل لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجمع الأمة. وكذلك من اعتقد حل شيء أجمع المسلمون على تحريمه وظهر حكم بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كاللحم الخنزير والزنا والخمر وأشبه هذا مما لا خلاف فيه كفر إذا كان قد نشأ بين المسلمين وهو ممن ليجهل مثله ذلك وقد ذكرناه في ترك الصلاة. Donc, comme on l'a dit avant, pas de khilaf entre les ulama sur la mécréance de celui qui délaisse la salat en rejetant son obligation. S'il fait partie des gens qui connaissent l'obligation, c'est-à-dire quelqu'un qui vit au milieu des musulmans. Mais s'il s'agit de quelqu'un qui est nouveau en islam, ou qui n'est pas né dans un dar islam, qui est né loin de la science, alors les gens de science ne jugent pas de sa mécréance qu'après lui avoir expliqué, et que les dalils lui soient clairement établis. S'il continue à rejeter après ça, il mécroit. Par contre, celui qui rejette l'obligation de la salat, en vivant au milieu des musulmans, avec les musulmans, celui-là, il mécroit directement simplement par le fait de rejeter l'obligation de la salat. Et ceci est valable pour tous les piliers de l'islam. Et ceci est valable aussi. Il dit parce que les dalils concernant ces choses-là sont clairs et nets dans le Coran et dans la Sunna. Le Coran et la Sunna sont remplis de ces dalils-là. Et l'ijma', le consensus des ulama est établi là-dessus. De la même manière pour celui qui croit ou qui déclare croire en la licéité de des choses dont tout le monde connaît l'interdiction, comme la viande de porc ou l'alcool, etc. Celui-là, il mécroit directement s'il vit au milieu des musulmans. Et bon, ensuite, il continue en disant « وَمَنْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى أو رسوله كفر سواء كان جادا أو مازحا. وكذلك من استهزأ بالله تعالى وبآياته وبرسله أو كتبه. Et donc celui qui insulte Allah Azza wa Jal ou son messager sallallahu alayhi wa sallam, il mécroit. Qu'il ait fait ceci en étant sérieux ou en plaisantant. De la même manière, celui qui se moque d'Allah Jalla wa'ala ou de ses versets ou de ses messagers ou de ses livres, comme ça vient dans les versets de Surat At-Tawba. Mais ce que j'aimerais encore citer là de ce qu'il a dit, donc celui-là, On a dit, celui qui dit ces choses-là ou qui fait ces choses-là, il sort de l'islam, et on a vu la différence entre le statut du shirk, ou le fait d'insulter Allah et son messager, ou de se moquer de la religion, et concernant les grands ordres de la religion, ou ce qui est connu par nécessité dans la religion, que ce soit comme interdit ou comme ordre. On a vu qu'il y a une différence entre les deux choses, et que concernant le shirk al-akbar, il n'y a aucune condition. Quelqu'un qui commet du shirk akbar, il est apostat, il sort de l'islam. Il n'est pas, sans regarder, il vit au milieu des musulmans, il vient pas au milieu des musulmans, il vient de rentrer en islam, ça fait 20 ans qu'il est en islam, c'est pas un facteur qu'on prend en compte. Contrairement aux autres piliers, aux autres obligations. Et là, ici, qu'est-ce qu'il nous dit après? Plus loin dans le livre, je saute une partie, il dit « وَمَنْ يَرْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَهُوَ بَالِغٌ عَاقِلٌ دعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه فإن لم يتوب قتل. Et celui qui apostasie de l'islam, qui sort de l'islam, que ce soit parmi les hommes ou les femmes, et qu'il est pubère, et qu'il est doué de raison, donc ce n'est pas un enfant et il n'est pas fou, on l'appelle à revenir à l'islam, à se repentir pendant 3 jours. Et l'imam, ou celui qui est chargé par l'imam de faire ça, il va lui mettre la pression dans le sens où il va le menacer. Soit tu reviens en islam, soit on va t'exécuter. S'il ne se repent pas et qu'il ne revient pas en islam, il est condamné à mort. Ici, pourquoi je lis ça? Parce que fait partie des choubouettes d'aujourd'hui aussi, on le sait, que il y en a certains, ils ne peuvent pas rejeter le fait que quelqu'un qui commet du shirk al-akbar ou qui insulte Allah ou son messager, ils ne peuvent pas rejeter que c'est des choses dont Allah il a jugé de la mécréance, il a jugé que c'est des actes et des paroles de mécréance dans le Coran et dans la Sunna. Ils ne peuvent pas rejeter ça parce que les délits ils sont clairs. Par contre, ils vont jouer avec en prenant certaines expressions qu'utilisent les ulama dans certains sujets et les appliquer à ça, au shirk ou à l'apostasie, à ces choses-là. Et ils vont dire que ce qui est visé dans le kufr, c'est ce qu'on appelle le kufr al-mutlaq. Ça va? Prends-moi de l'eau. Ce qu'ils appellent le kufr al-mutlaq. C'est le fait de dire que telle parole ou tel acte, c'est de la mécréance. Ils vont dire que c'est ça le sens des textes. Donc Allah Azza wa Jal, par exemple, il dit « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » Ils vont dire que « الْحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ » Le fait de juger entre deux personnes avec un autre hukm que celui d'Allah, ou le fait de diriger, d'imposer une loi pour diriger un gouverneur qui dirige son pays avec une autre loi que celle d'Allah, qui impose à son peuple une autre loi que celle d'Allah, ils vont dire, oui, ça c'est un acte de kufr. Mais, on appelle ça le kufr al-mutlaq. C'est-à-dire qu'on va, on va dire que cette parole ou cet acte-là sont du kufr. Mais le kufr ne tombe pas forcément sur celui qui le fait. Le kufr dont on parle, c'est-à-dire dire « Fulan ou Allan, il est kafir », c'est ce qu'on appelle « takfir al-mu'ayyan ».« Takfir al-mu'ayyan ». C'est le takfir d'une personne en particulier. Ils vont dire que toutes ces paroles-là qu'on trouve chez les ulama, ou même tous les textes du Coran et de la Sunna, nous indiquent « takfir al-mutlaq », pas « takfir al-mu'ayyan ». Ce n'est pas le takfir d'une personne en particulier. Or, déjà à la base, c'est contredit par les textes. Quand Allah dit « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » وَمَنْ, celui qui fait cet acte-là, il est kafir. Comment on peut attribuer le kufr simplement à la parole ou à l'acte? Et ici, c'est pour ça que j'ai lu la parole d'Ibn Qudamah, il dit « Celui qui est apostasie de l'islam, que ce soit un homme, parmi les hommes ou les femmes, qu'il est pubère et qu'il est doué de raison, on l'appelle à l'islam. Et on lui met la pression en le menaçant pour qu'il revienne à l'islam. S'il ne revient pas après 3 jours, alors il est condamné à mort. À qui ça s'applique ces ahkam-là? À la parole, à l'acte. C'est à la parole ou à l'acte qu'on va demander de se repentir et c'est la parole ou l'acte qu'on va condamner à mort au bout de 3 jours si il ne s'est pas repenti. Donc on voit bien que ça n'a pas de sens et on voit bien que ce qui est voulu dans Hukm al-Murtad, c'est, ou dans Bab al-Murtad, c'est bien al-Mu'ayyan qui est visé. La parole, la fameuse parole qu'ils utilisent, c'est Fulan waqa'a fil kufri wa ma waqa'a al kufru alay wa lam yaqa'a al kufru alay. Lui, il est tombé dans le kufr, mais le kufr n'est pas tombé sur lui. Ça, c'est une expression qu'on retrouve chez les ulama. Mais les ulama, ils parlent, ils utilisent systématiquement cette expression-là, pas dans le shirk akbar, pas dans celui qui insulte Allah et son messager, pas dans celui qui adore les tombes. Mais ils utilisent ces choses-là, soit dans les deux cas qu'on a cités avant, concernant les choses qui sont connues par nécessité de la religion, mais il s'agit de quelqu'un qui vient de rentrer en islam, ou il s'agit de quelqu'un qui vit loin de la science. Donc celui-là, par exemple, il va dire « Zina, c'est halal ». Ça, c'est une parole de kofr. Et les ulémas, ils vont dire « Waqa'a fil kofr wa lam yaqa'a al kofr alayh ». Sa parole, c'est une parole de kofr, mais il ne me croit pas parce qu'il est dans une situation spéciale. De la même manière, concernant ce qu'on appelle le masail al-khafiyya, c'est-à-dire des sujets qui sont cachés, qui ne sont pas connus par tout le monde, qui sont connus soit par les ulama, soit par talabat al-ilm, les étudiants en religion, mais les gens du peuple, certains sujets, ils ne connaissent pas. Il leur arrive de dire des choses ou de faire des choses qui vont contredire le hukm d'Allah dans ces choses-là. Là, les ulama, ils disent waqa'a fil kufri wa lam yaqa'a al kufri alayh. Mais pas dans le shirk akbar, ou des choses qui contredisent à la base la ilaha illallah, des choses qui ne peuvent pas se rassembler avec l'islam. Non, donc ça, c'est concernant ça. Concernant le. Ici, je vais lire juste deux, trois lignes d'un autre livre. Bon, toujours dans le fiqh al-Hanbali. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce livre. C'est un livre qui a été écrit par ce qu'on appelle al-Mutakhirun, les gens qui sont venus plus tard, c'est-à-dire après. Bon, chez les ulama, il y a plusieurs tabaqat, plusieurs périodes, et ils sont venus chez les mutaakhirin, c'est-à-dire il y a quelques siècles en arrière, ils sont plus de notre côté, c'est-à-dire de manière en termes d'époque, que du côté des salafs. Et à l'époque du cheikh Mohammed, rahimahullah, les ulama, d'une manière globale, les ulama du madhhab al-Hanbali, ils se référaient beaucoup à deux livres. Un livre qui s'appelle Al-Iqna' fi talab al-intifa', écrit par Moussa al-Hajjawi, et un autre qui s'appelait Muntaha al-Iradat. Donc c'est des livres dans le fiqh al-Hanbali. Et ces deux livres-là, c'est un peu à l'image aussi de le livre qu'on appelle Tuhfa. Tuhfa dans le fiqh shafi'i, c'est un charh. Un charh de l'Minhaj de l'imam al-Nawawi, il a écrit le Minhaj. Et Ibn Hajar al-Haytami, qui est à peu près à la même époque que l'auteur de l'Iqna', il a écrit un livre qui s'appelle Tuhfa. Et ces savants-là, dans leurs livres, ou du moins, ce que je voulais dire, c'est que à l'époque du cheikh Mohammed, on sait qu'ils ont accusé le cheikh d'être venu avec un cinquième madhhab, avec une nouvelle religion, qui kafar les muslimines, etc., qui rend halal le sang des muslimines, etc. et qu'il est venu avec un cinquième madhhab, etc. Et lui, comme on le trouve dans sa fameuse risala qui s'appelle Mufid al-Mustafid, Inch'Allah, j'espère qu'on aura l'occasion de la lire. Dans Mufid al-Mustafid, le Shir, il a ramené justement des paroles des quatre madhhab pour montrer que ces choses-là, ces choses sur lesquelles il a kaffar les adorateurs de tombes et les mushrikines de son époque, c'est des choses sur lesquelles les ulama, les fuqaha, des quatre madhhab ont été unanimes. Et qu'on trouve des paroles des quatre madhhab dans leurs livres où ils disent que celui qui a qui dit ces paroles-là ou qui fait ces actes-là, que c'est quelqu'un qui est sorti de l'islam, qui est apostat, en ramenant des paroles des quatre madhhab pour montrer que c'est quelque chose qui n'est pas propre à lui, qu'il n'est pas venu avec un cinquième madhhab, et même quelque chose qui n'est pas propre au madhhab Hanbali. Que certains, ils attribuent aussi au madhhab de l'imam Ahmed, l'exagération, etc. Et donc, les gens qui ont justement dans la péninsule arabique en général, c'est des gens qui suivaient le madhhab de l'imam Ahmed, déjà à l'époque du Sheikh. Et donc le Sheikh, il a commencé sa da'wa, évidemment, comme on l'a dit, ils l'ont accusé de roulou, de kafir al-muslimin, etc. Et lui, il a fait justement, il a ramené des paroles de ces quatre madhahib, de leur livre des quatre madhahib, et particulièrement des livres parmi les mutakhirin, des gens qui ont écrit tardivement dans le madhhab. Et il a cité un exemple, il a pris, donc pour discuter avec ces savants-là qui s'attribuaient au madhhab de l'imam Ahmed, il a ramené des paroles des livres, donc des livres du madhhab de l'imam Ahmed. Et il cite souvent Al-Iqna' et Al-Muntaha. Donc deux livres, ces deux livres-là, c'est sur ces deux livres-là que la fatwa à son époque-là était basée. Aujourd'hui encore, en Arabie, c'est sur ces deux livres-là que les mufti, le muftoun et le qudat, les juges, c'est ces deux livres-là qui se basent pour rendre des fatwas et des jugements. Et justement ici, et le Shir, il a ramené des paroles de ces livres-là en leur disant, vous êtes des Hanabila, vous suivez ces livres-là dans la fatwa, dans le qada, etc. Bah, lisez ce qu'ils disent justement le chapitre de l'apostat. Lisez ce qu'ils disent dans les chapitres de l'apostat et ce qu'ont dit les ulama qui ont expliqué leur livre. Donc, dans le livre, dans l'Iqna', il dit « Bab al-Hukm al-Murtad ». L'Iqna', c'est un mètre, qui est énorme, hein, c'est un gros pavé, avec beaucoup de détails, bref, il dit dans « Bab al-Hukm al-Murtad », donc dans le chapitre de l'apostat, il dit, donc il commence à dire « Wa huwa alladhi yakfuru » بعد إسلامه ولو ميز ولو مميزا توعا ولو هازلا فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ له صاحبة أو ولدا أو ادعى النبوة أو صدق من ادعاها أو جحد نبيا أو كتابا من كتب الله أو شيئا منهم أو جحد الملائكة أو البعث أو سب الله ورسوله أو استهزأ بالله أو كتبه أو رسوله قال الشيخ يعني شيخ الإسلام تيمية أو كان مبغدا لرسوله أو لما جاء به اتفاقا وقال أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا انتهى. أو سجد لصنمين أو شمس أو قمر أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين أو وجد منه امتهان القرآن أو طلب تناقضه أو دعوى أنه مختلف أو مختلق أو مقدور على مثله أو إسقاط لحرمته أو أنكر الإسلام أو الشهادتين أو أحدهما كفر. Donc là, il a cité beaucoup de choses en disant que celui qui l'ait dit ou qui l'ait fait, il est kafir. Et là encore, il n'a pas conditionné. Comme on l'a dit avant, il n'a pas conditionné par... Il n'a pas excusé l'ignorant. Il n'a pas conditionné son hukm, le fait de juger de la mécréance, par l'absence d'ignorance ou par le fait que ce soit quelqu'un qui soit ancien dans l'islam ou nouveau dans l'islam, etc. Il a atlaqa, yani il a... mais le hukm comme ça, mutlaqan, de manière globale. Donc il dit, celui, bon, il commence comme ce qu'on a lu avant dans Sharh al-Kabir, celui qui mécroit après l'islam, donc le murtad, c'est celui qui mécroit après l'islam, il dit, même s'il est mumayyiz. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que al-Hanabila, il voit que al-mumayyiz, c'est-à-dire l'enfant qui a atteint l'âge de 7 ans. Son islam et son kufr sont justes. C'est-à-dire que s'il a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, on dit qu'il est musulman. Son islam, il est juste. Et s'il sort de l'islam, on dit qu'il est murtad. S'il commet une de ces choses-là ou qu'il dit une de ces choses-là, il est murtad. Ça ne veut pas dire qu'on applique le had sur lui. Comme on l'a vu avant, pour appliquer le had, c'est-à-dire la condamnation à mort, il faut qu'il soit balir aqil. Balir, puber, aqil, doué de raison. Il n'est ni un enfant, ni il est fou. Ici, on a affaire à un enfant. Même s'il est mumayyiz, ça reste un sabi. Il n'est pas quelqu'un qui est mukallaf. Par contre, s'il a apostasie, alors qu'il a 9 ans, 10 ans, et qu'il arrive à le boulour, par exemple à l'âge de 15 ans, il arrive à l'âge de la puberté, là, on lui demande de se repentir. Là, on va appliquer l'ahkam de l'islam. Soit il se repentit, il revient à l'islam, soit il est condamné à mort. Donc il continue en disant walaw mumayyizan taw'an, c'est-à-dire il est mumayyiz même s'il est mumayyiz, et il faut à la condition qu'il soit pas taw'an, ici il faut pas qu'il soit contraint. On sait que la contrainte c'est un empêchement au jugement du kofre. Et même si c'est en plaisantant. Et là il va commencer à énumérer les paroles et les actes. Celui qui associe Allah. Évidemment, encore une fois, ce qui est voulu, c'est Shirk al-Akbar. Qui rejette la seigneurie d'Allah Azzawajal. Ou qui rejette son unicité. Ou qui rejette une sifat parmi ses sifats. Ou qui prétend qu'Allah Jalla wa'ala a pris une compagne ou un enfant. Ou qui prétend être un prophète. Ou qui rend véridique celui qui prétend être un prophète, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou celui qui rejette la prophétie, ou un prophète. Celui qui rejette un livre parmi les livres d'Allah. Ou quelque chose que contient ces livres-là. Ou quelqu'un qui rejette les anges. Ou quelqu'un qui rejette la vie après la mort, ou la résurrection. Ou quelqu'un qui insulte Allah et son messager. Ou qui se moque d'Allah, ou de ses livres, ou de ses messagers. Qala Sheikh ici, Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il dit? Donc c'est quelqu'un qui est... Moussa al-Hajjawi qui a écrit Al-Iqna'. C'était un savant du Shem, et donc il s'est beaucoup basé sur Ibn Taymiyyah. Ou quelqu'un qui déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui déteste quelque chose avec laquelle... le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu. Et il rajoute, et celui qui met entre lui et entre Allah un intermédiaire, en plaçant sa confiance en lui, en l'invoquant, en lui demandant. Donc ça c'est quoi le shirk de qui? C'est le shirk de Quraysh et c'est le shirk de Al-Quburiyin, des adorateurs de tombe aujourd'hui. L'adorateur de tombe, il va à la tombe, il adore la tombe Mais il dit que celui qui va lui apporter ce qu'il veut, c'est pas le mort, c'est Allah Azzawajal. Il a pris le mort comme wasita, comme intermédiaire, en l'invoquant, parce que soit ce mort-là va intercéder auprès d'Allah pour lui, soit il va bénéficier de la baraka d'Allah Jalla wa Ala, parce qu'il a adoré ce mort-là qui est un proche d'Allah, et c'est la croyance de Quraysh, aucune différence. Ou qui se prosterne pour une idole, ou pour le soleil, ou pour la lune, ou qui prononce une parole, ou qui fait un acte clair de moquerie de la religion, ou quelqu'un qu'on trouve comment on dit ça, qui montre, je trouve pas le mot. Bref, qui montre un manque de respect envers le Coran, ou qui essaye de le contredire, ou qui prétend que le Coran lui-même il se contredit, qu'il y a des parties qui en contredisent d'autres, ou que le Coran il a été fabriqué, ou que quelqu'un d'autre peut faire identique, que quelqu'un pourrait qui pourrait de faire écrire quelque chose d'identique ou prononcer des paroles identiques. Bon, il termine en disant ce qu'il a dit avant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut faire en sorte d'enlever au Coran son caractère sacré, qui rejette l'islam ou qui rejette les deux shahada ou l'une d'entre elles, kafir. Donc là, on voit encore une fois que toutes ces choses-là qu'il a citées, il dit que celui qui l'a fait ou que celui qui l'a dit, il est kafir, sans condition. Il n'a pas dit comme concernant la salat, la zakat ou l'interdiction de zina, de riba. Il n'a pas dit, bon, on va voir dans quel état il est. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de rentrer en islam? Est-ce que c'est quelqu'un qui vit loin de la science? Donc celui-là, il faut lui enseigner d'abord. Il faut lui montrer que ça fait partie de la charia. Et s'il rejette, alors il mécroit. Non, parce que toutes ces choses-là qu'il a citées, que ce soit des paroles, des actes, c'est des choses qui ne peuvent pas. C'est pour ça qu'on appelle ça naqid al-islam ou nawaqid al-islam. Ce qu'on dit, naqid, c'est deux choses qui ne peuvent pas se rassembler. C'est pour ça que les ulama ils disent l'islam ou le shirk, il y a naqidan, la yajtami'an wa la yartafi'an. On trouve beaucoup ça dans leurs paroles. C'est deux choses qui se contredisent. On ne peut pas les trouver ensemble. Soit tu trouves l'islam, soit tu trouves ces choses-là. Tu ne trouves pas l'islam et l'insulte d'Allah Azzawajal et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne trouves pas l'islam et le shirk billah. Tu ne trouves pas l'islam et quelqu'un qui demande secours aux morts. Tu ne trouves pas l'islam et quelqu'un qui se moque de la religion. C'est l'un ou l'autre. C'est naqidan, deux choses qui s'opposent. Ces choses-là, elles détruisent la shahada ou les deux shahadatan à la base. Alors que le fait de rejeter l'obligation de la salat, par exemple, ou le fait de dire que zina, c'est halal, le kufr, on a dit, c'est quoi? C'est et takdhib. Et il n'y a pas de takdhib sans khabar. On ne peut pas dire que quelqu'un il a démenti un texte, que ce soit le Coran ou la sunna, s'il n'a pas eu le texte. Soit parce qu'il vient de rentrer en islam, soit parce qu'il habite loin de la science. Si c'est quelqu'un qui est au milieu des musulmans et qui s'écarte de la science, ça c'est un autre kufr qu'on appelle el-i'rad, le fait de s'écarter de l'apprentissage de l'islam. Ça c'est un autre kufr. Mais si on est en train de faire la différence entre et-takdhib et entre une qui contredit l'islam, et entre quelque chose qui contredit la base de l'islam directement, comme le shirk akbar, ou comme le fait d'insulter Allah et son messager. Non. Non. Voilà, c'est ce que je voulais qu'on lise, Léo. Et ça, c'est un exemple dans le livre de Fiqh Hanbali, parce que c'est ce que j'ai à la maison. Mais si on cherche ceux qui ont des livres chez eux, Si vous cherchez dans le chapitre de l'apostat, Hukm al-Murtad, dans les livres de l'imam Malik, du madhab l'imam Malik, au Shafi' ou Abu Hanifa, même on va trouver que l'Ahnaf, il cite des annulants que personne d'autre que n'ont cité. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, lisez la Risala de Cheikh Mohammed, Rahimahullah, Ibn Abd al-Wahhab, Mufid al-Mustafid, où il ramène beaucoup de paroles d'El Fuqaha. Et il ramène même des paroles d'El Fuqaha parmi l'Ahnaf, qui disent, par exemple, quelqu'un qui rentre en salat sans ses ablutions, il sait qu'il n'a pas les ablutions, kafir. Ça, c'est l'Ahnaf. C'est l'Ahnaf, quelqu'un, il rentre en salat, il sait qu'il n'a pas ses ablutions. Il rentre dans la salat, kafir. Le Cheikh Mohammed, il cite dans cette risala, il cite certains annulants en disant voilà ce que certains fuqaha ont cité, même si on n'est pas d'accord avec eux. C'est-à-dire que lui-même, il n'est pas d'accord sur le fait que c'est un annulant. C'est certains annulants où les ulama, ils ont divergé. Non. Ici, j'aimerais terminer avec, en lisant juste deux paroles du Cheikh, justement, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, concernant ça. Donc aujourd'hui, c'est la grande choubaha qu'on trouve, c'est quand on applique le takfir. Alors là aussi, on entend des âneries du style. Donc là, quand nous, on lit dans ces livres-là, dans le jugement de l'apostat, il y en a certains qui vont dire, oui, mais ça, il n'y a que le juge qui a le droit de le faire. C'est-à-dire, il n'y a que le juge qui a le droit d'appliquer le had sur le murtad, sur l'apostat. Il n'y a que lui qui a le droit de dire, on va lui demander de se repentir 3 jours, etc. On va lui mettre la pression, s'il ne revient pas, on va le condamner à mort. Et c'est pour ça qu'il y a certains égarés, égareurs, qui prétendent qu'il n'y a que le hakim qui peut appliquer le takfir al-mu'ayyin. Ou pardon, le qadi. Il n'y a que le juge qui peut appliquer, dire « Foulain, Ada la Foulain, Ibn Foulain, c'est un kafir. » Il n'y a que lui qui a le droit de dire ça. N'importe qui d'autre n'a pas le droit de dire qu'il est kafir. Puisque c'est le juge au final qui va quoi ? Qui va ordonner qu'on applique sur lui la peine. « Had al-murtad ». Mais le subhanallah, ajib. Ici, on est en train de parler de deux choses différentes. Il y a une différence entre le fait de croire que quelqu'un qui dit une parole de mécréance ou qui fait un acte de mécréance, le fait de croire, d'avoir la croyance que celui-là, il n'est plus musulman, il est kafir, il est murtad, il est sorti de l'islam, et entre le fait d'appliquer le had sur lui. Effectivement, le had, il n'y a que le juge, il n'y a qu'un juge shara'i, qadi shara'i, qui peut faire appliquer la sentence sur quelqu'un. Mais la croyance de dire que celui qui dit une parole de kufr, qui commet un acte de kufr, qu'il est sorti de l'islam, ça c'est non seulement c'est donné à tout le monde, à n'importe quel musulman, mais c'est une obligation. Ça peut même annuler l'islam. Quelqu'un qui voit un shirk akbar clair, jali, sur lequel tous les ulama sont unanimes, qui est clair dans le Coran et dans la Sunna, il dit qu'il est musulman, celui-là il ne sait pas ce que c'est l'islam. Ou il ne sait pas ce que c'est le shirk. Dans les deux cas, ça annule son islam. Donc comment ça peut être réservé au qadi? Et donc ce qu'on trouve beaucoup chez le Madakhila aujourd'hui, chez tous ces Murji'a de toutes sortes, c'est surtout ça. Ils jouent avec Tekfir al-Mu'ayyan ou Tekfir al-Mutlaq. Et ils veulent faire croire que tous les nusus dans le Coran et que tout ce qu'on trouve dans les paroles des ulama, tout est conditionné par tout le monde, ils disent que c'est ce qui est visé, takfir al-mutlaq. C'est une parole de kufr et ou un acte de kufr, mais le kufr ne tombe pas sur la personne. Et il faut d'abord lui enlever sa shubha, ou il faut voir dans quel état il est, etc., pour pouvoir au final appliquer takfir al-mu'ayyan. Donc takfir al-mu'ayyan, il n'existe plus, ou il existe sous certaines conditions qui sont à peu près jamais remplies, et c'est que le takfir al-mutlaq qui existe. Donc ici, le Cheikh, rahimahullah, il dit dans une parole qu'on trouve dans Ad-Durar Sanniya, وقال الشيخ وأما قوله نقول بأن القول كفر ولا نحكم بكفر القائل فإطلاق هذا جهل صرف لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين ومسألة التكفير المعين مسألة معروفة إذا قال قولا يكون القول به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لم يحكم بكفر حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس كما في مسائل ومسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهوى فإن بعد أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة ومن رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا ولا يحكم على قوله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنقد النص أو بدلالته فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في كثير من كتبه وذكر أيضا تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة قال وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقع في كفر قائله ولا تجعل هذه الكلمات عكازة تدفع بها في نحر من كفر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات بعد بلوغ الحجة ووضوح المحجة. Donc le cheikh parle de ce sujet-là. Le fait de dire il est tombé dans le coffre, mais le coffre ne tombe pas sur lui. Il dit, et quant à sa parole, nous disons que la parole est du coffre, mais nous ne jugeons pas de la mécréance de celui qui l'a dit. Il dit, le fait de globaliser ça, c'est une ignorance claire et pure. Il dit, parce que cette expression ne s'applique que sur al-mu'ayyan. Là, ce qui veut dire le shir, c'est la même la phrase qu'on a dit avant, la phrase qu'on a lue dans le livre de Fiqh, que l'apostat, qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, s'il est balir-aqil, s'il est pubère et doué de raison, alors celui-là, on lui demande de se repentir 3 jours et on lui met la pression. S'il ne revient pas, il est condamné à mort. Or, cette expression-là, dit le fuqaha, on voit très bien que ça ne s'applique qu'à quelqu'un en particulier. Ça ne s'applique pas à une parole ou un acte. Le fait de demander de se repentir et de condamner à mort, ça concerne une personne en particulier. Ça ne concerne pas un acte ou une parole. Donc, c'est ce qu'il veut dire ici le shir quand il dit « La tantabiq illa ala mu'ayyin » l'ibara. Il dit le sujet du tekfir en partie d'une personne en particulier, c'est quelque chose qui est connu. Si quelqu'un dit une parole, la parole est une parole de kufr, c'est-à-dire la parole est en elle-même une mécréance. On dit que celui qui l'a dit est kafir. Et le fait de dire que celui qui dit une parole de mécréance, celui qui l'a dit n'est pas mécréant directement, mais qu'il faut lui apporter la preuve avant qu'il devienne mécréant, il dit ça c'est valable dans les sujets cachés. C'est comme on l'a dit avant. Al-Masail al-Khafiyya. Il dit au sujet desquels le dalil est caché pour certaines personnes. Comme on l'a dit pour Awam al-Nas, tout le monde n'est pas shir, n'est pas savant, tout le monde n'est pas étudiant en sciences religieuses. Il y a des sujets... C'est pour ça que les ulama, ils ont fait la différence entre ce qui s'appelle Masail al-Zahira et Al-Masail al-Khafiyya. Il y a des sujets cachés. Ici, des exemples comme certains sujets dans Al-Qadr, Al-Iman bil-Qadr, ou comme dans l'Irja. le fait de sortir les actes de la foi. Et d'autres. Il dit, c'est clair que parmi les gens de la bid'a, parmi de leur, il y a certaines de leurs paroles qui dans laquelle il y a des choses qui sont du kufr. Du kufr, pourquoi? Parce que ça rejette les textes du Coran et de la Sunna. Et on dit que leur parole est du kufr, mais on ne juge pas de leur mécréance directement. Pourquoi? Parce qu'il est possible qu'il y ait quelque chose qui soit un empêchement au takfir, comme l'ignorance. Ici, c'est l'ignorance dans des sujets cachés. Ce n'est pas l'ignorance sur le shirk akbar, ou sur le fait d'insulter Allah et son messager. Il dit que les rites de l'islam ne sont imposés, ou la connaissance de l'islam globalement, ou des rites de l'islam n'est imposée qu'après que leur soit parvenue la preuve. Et là, il faut faire la différence entre les choses. Comme on l'a dit avant, ce qu'on appelle kufr et takdhib, c'est le fait de démentir le Coran et la Sunna. Or, ici, on se retrouve devant deux cas. On se retrouve devant celui qui rejette quelque chose qui est ma'loum min ad-dini bid-darura, quelqu'un qui rejette la salat, l'obligation de la salat, ou qui rejette l'interdiction, par exemple, de riba. Ces deux choses-là, elles sont connues par nécessité dans la religion, parce que les textes, ils sont clairs et que c'est connu par tous les musulmans. Celui qui rejette ça, son kufr, c'est être takdhib, le fait de démentir. Mais si quelqu'un vient juste de rentrer en islam, il ne peut pas connaître toutes les règles de l'islam. Ou quelqu'un qui habite loin de la science, même ces choses-là, il ne les connaît pas. Donc celui-là, avant de dire qu'il est mukadhib, qu'il a commis le kufr de takdhib, il faut qu'il ait nusus. Il faut qu'il ait les informations de la charia pour dire qu'il les a démenties. S'il ne les a pas, il dément quoi? Quelque chose qu'il n'a jamais eu. Donc c'est batil. De la même manière concernant les sujets cachés. Les sujets cachés, c'est des sujets que tout le monde ne connaît pas. Et c'est des fois des sujets qui, quand tu regardes le dalil, pour quelqu'un qui fait pas partie des gens de la science, c'est pas quelque chose de clair. C'est pour ça que celui-là, on va le considérer mukadhib. Pas une fois simplement qu'il a reçu la preuve, le texte, mais une fois qu'on lui a enlevé aussi sa shubha. Ce qu'ils appellent les ulama keshf shubha. On enlève la shubha qu'il a. Peut-être qu'il connaît le texte, il connaît le verset, il connaît le hadith, mais il a une shubha, il l'a mal compris, il a un ta'wil. Là, on doit lui enlever pour dire que là, il a bien reçu la preuve et qu'il a démenti la preuve. Et là, il est mukadhib, il sort de l'islam, il est apostat. Et ça, encore une fois, ça concerne quoi? Ça concerne ces sujets-là. Ça ne concerne pas shirk akbar. Aslan, shirk akbar, il ne peut pas se rassembler avec l'islam. Quand il y a du shirk, il n'y a pas d'islam. Khlas. Ça, c'est à part encore. C'est une règle à part. C'est le qa'idat al-tawhid. Comment on réalise l'islam? Et il dit qu'Ibn Taymiyyah, il a expliqué ça beaucoup dans ses livres. Ici, petite parenthèse, c'est que tous les groupes, autant qu'ils sont, du shirk, de la bid'a, de l'égarement, tous ils utilisent des paroles d'Ibn Taymiyyah dans ces sujets-là. Tu trouves deux gars. Un, il écrit un livre dans l'excuse par l'ignorance. Il l'excuse pas par l'ignorance, il ramène des paroles d'Ibn Taymiyyah pour le prouver. L'autre, il écrit excuse dans l'ignorance. Il excuse le mushrik ignorant, il l'excuse, c'est-à-dire qu'il juge de son islam. Il va te ramener des paroles d'Ibn Taymiyyah pour prouver ce qu'il dit. Tout ça pour dire que dans les paroles d'Ibn Taymiyyah, justement, il y a de l'ishtiba. Quelqu'un qui prend certaines paroles d'Ibn Taymiyyah, et on peut comprendre de travers. Et c'est pour ça que la base, toujours revenir dans ces sujets-là. Dans les sujets du shirk et du tawhid, toujours revenir au Coran et à la sunna, qui sont très clairs. Et Ibn Taymiyyah lui-même, il dit que il a déclaré le takfir de certains de l'mutakallimin. Savoir que Ibn Taymiyyah, il a rendu, il a excommunié le Farh al-Razi, qui était un grand savant parmi les mutakallimines et qui était grand parmi les grands usulines du Madhab d'Imam Malik. Et il a fait un livre et il est sur l'adoration, a'oudou billah, des étoiles, des planètes. Le shir, il l'a kafar là-dessus. Il dit que s'il n'est pas revenu de ce qu'il a dit, Il est kafir, il demeurera éternellement au feu. Ça, le shir, il cite cette parole justement dans Mufid el-Mustafid pour montrer que Ibn Taymiyyah, il pratique bien ce qu'on appelle takfir el-mu'ayyan, le fait de mettre le kufr du jugement de la mécréance sur une personne en particulier, non seulement une personne, et pas une personne comme les autres, un grand savant, qui est considéré chez les gens du Madhhab al-Maliki comme un grand, très grand savant. Il a le même statut que par exemple Al-Ghazali chez Shafi'iyya ou que d'autres dans les autres grands madhhabs, parmi les grands savants. Il dit par contre, ce qu'on trouve dans les sujets qui sont clairs, ou ce qui est connu par nécessité dans la religion, on ne s'arrête pas, c'est-à-dire on ne s'empêche pas de faire le takfir de celui qui le dit. Parce que les choses claires, connues par nécessité dans la religion, le simple fait d'avoir le texte, le Coran ou la Sunna, khlas, la hujja, elle est, qamat la hujja, la hujja, elle est arrivée à la personne et celui qui dément, il est kafir. Non. Je vais lire une dernière parole et on va terminer avec ça. Encore une parole du Cheikh Mohammed dans Rasa'il al-Shakhsiyya. Il dit ولو ذهبنا نعدد من كفره العلماء مع ادعائه الإسلام وأفتوا بردته وقتله لطال الكلام، لكن من آخر ما جرى قصة بني عبيد ملوك مصر وطائفتهم وهم يدعون أنهم من أهل البيت ويصلون الجمعة والجماعة ونسبوا القضاة والمفتين أجمع العلماء على كفرهم وردتهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب يجب قتالهم ولو كانوا مكرهين مكرهين pardon ولو كانوا مكرهين parce que مكرهين ça change le sens ولو كانوا مكرهين مبغضين لهم واذكر كلامه في الإقناع وشرحه في الردة encore une fois comme on va le dire que je vais traduire après كيف ذكروا أنواعا كثيرة موجودة عندكم ثم قال منصور وقد عمت البلوى بهذه الفرق وأفسدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد نسأل الله العفو والعافية هذا لفظه بحروفي ثم ذكر قتل الواحد منهم وحكم ماله هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة من أصحابي هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة من أصحابه إلى زمان منصور إن هؤلاء يكفروا أنواعهم لا أعيانهم Le cher il dit, on va terminer avec ça, Inch'Allah, il dit, et si on commence à dénombrer le nombre de gens que les ulama ont excommuniés, c'est-à-dire dont les ulama ont déclaré leur mécréance, alors que ces gens-là prétendaient s'attribuer à l'islam, et au sujet desquels ils ont rendu des fatwas sur leur apostasie et sur l'obligation de les tuer, alors la parole durerait longtemps. Ici, le shir, il montre quoi? Il montre que il veut ramener des preuves que le kofr, quand les ulama parlent de l'apostasie et du kofr, que ça concerne le moyen, ça ne concerne pas la parole ou l'acte. Et dit, et parmi ce qui s'est passé le plus récemment, c'est ce qui s'est passé en Égypte avec Bani Ubaid. Moulouk Misr, Bani Ubaid, des gens qui ont gouverné l'Égypte. Et c'est des gens qui prétendent évidemment qu'ils s'attribuent à l'islam et qui prétendaient être des descendants de Ahlul Bayt. C'est des gens qui priaient le Jumu'ah, le Jama'a, qui priaient en groupe. Ils ont mis les juges en place, des mouftis, c'est-à-dire tout ce que comprend un État islamique. Et les ulémas ont été unanimes sur leur mécréance et sur leur apostasie et sur l'obligation de les combattre, et que leur pays était devenu un pays de guerre, bilad harb, et qu'il était obligatoire de les combattre. ولو كانوا مكرهين مبغضين لهم. نعم. Même si ceci leur était désagréable. Et ici, on va revenir à la parole que j'ai citée là, dans le deuxième livre de fiqh que j'ai cité, Al-Iqna. Encore une fois, les ulama de l'époque du Shir, ce qu'il faut comprendre, les ulama de l'époque du Shir, beaucoup, donc, vu que c'était dans la péninsule arabique et que c'était le madhhab de l'imam Ahmed, rahimahullah, qui était répandu dans la péninsule arabique, donc les savants de l'époque du Shir et qui ont contredit la da'wa du Shir et qui ont critiqué le Shir, ils ont dit, toi, tu kafar les muslimines. Tu kafar les muslimines. Et bon, ils ont évoqué un tas de raisons. Et tu es venu avec un cinquième madhhab, etc. Donc lui, il leur a cité des paroles de qui? Des paroles. Et c'est pour ça qu'il souvent il cite ce livre, Al-Iqna, le Shir. Parce que dans ce livre, comme on l'a lu avant, il y a des actes et des paroles d'apostasie. Et ces ulémas-là, ils s'attribuaient à ce livre-là. Ils utilisaient ce livre-là pour rendre leur fatwa. Et ils suivaient ce livre-là dans l'ibadat, dans comment prier, dans comment jeûner, etc. Donc ils leur amènent des paroles de leur propre livre. Il dit donc, et évoque sa parole dans l'Iqna, c'est-à-dire, et wa sharhihi firidda. Sharhihi, le sharh de l'Iqna qui s'appelle Keshaf al-Qina. C'est un livre de Mansour al-Buhuti. Je dis ça parce qu'après il va citer le nom de Mansour pour comprendre qui c'est Mansour. Mansour ibn Younous al-Buhuti, c'est l'alim qui a expliqué l'Iqna dans un livre qui s'appelle Keshaf al-Qina. Et c'est parmi les grandes références parmi les gens qui ont écrit tardivement dans le madhhab. Et c'est à ces livres-là que tous les gens qui ont critiqué sa da'wa, ils s'attribuent à ces livres-là. Et ils utilisaient ces livres-là pour la fatwa. Il dit, et regarde son livre, l'Iqna, le Sharh de l'Buhuti, et le nombre de sortes qu'il a citées, de sortes d'apostasie. Qu'on retrouve chez qui? Qu'on retrouve chez vous. Donc, il s'adresse à ses détracteurs et dit, regardez l'Iqna, et le Sharh de l'Iqna, que vous lisez, que vous utilisez dans la fatwa, etc. Et le nombre d'actes et de paroles d'apostasie qu'il a cités et qu'on retrouve chez vous. Les détracteurs. Il dit, ثم قال منصور, et Mansour al-Buhuti dans le Sharh, il dit quoi? وقد عمت البلوى بهذه الفرق وافسدوا كثير من عقائد اهل التوحيد. Il dit, et on va dire la fitna, elle s'est étendue avec ces groupes-là qui ont détruit beaucoup parmi les croyances et les bases des gens du tawhid. On demande à Allah Jalla wa Ala, il dit la protection, etc. Il dit, et ceci, c'est la parole de Mansour al-Buhuti. Et ensuite, il a évoqué la fatwa qu'ils ont émise sur la condamnation à mort de l'un d'entre eux et sur le jugement de la licéité de son argent. Et là, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit, est-ce que quelqu'un d'entre les compagnons, jusqu'à l'époque de Mansour al-Buhuti, qui explique ce livre, est-ce que quelqu'un a dit, non, mais ce qui mécroit ici, ou le kufr, il est attribué à leurs paroles et à leurs actes et pas à eux-mêmes. C'est-à-dire, encore une fois, takfir al-mutlaq et pas takfir al-mu'ayyan. Le sens de la parole du shir, c'est celui qui vient demain, comme ça, qui concernant ses paroles et ses actes-là, de shirk ou le fait de donner des adorations par les membres à un autre qu'Allah, qui vient et qui dit, ouais, mais ça, c'est takfir al-mutlaq. Sa parole ou son acte est du kufr, mais lui ne mécroit pas. Il dit, alors tu lui dis, dis-nous, qui parmi les compagnons, depuis les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à les derniers fuqaha qui ont écrit dans ces sujets-là, qui a dit que ce qui est visé ici, c'est le takfir al-mutlaq et pas takfir al-mu'ayyan? Qui a dit ça? Et quand les ulama disent, on lui demande de se repentir. Et s'il ne se repent pas au bout de 3 jours, il est condamné à mort. C'est qui est condamné à mort? La parole, l'acte ou la personne qui a dit cette parole-là ou qui a fait cet acte-là. Donc on voit bien que c'est batil. Et que concernant le shirk al-akbar, puisque c'est le sujet de ce qu'on avait lu, « Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah » on a dit la première chose qui rentre là-dedans, c'est le délaissement du shirk, le rejet du shirk. Donc quelqu'un qui commet le shirk, celui-là, il est apostat. Si on a jugé son islam auparavant, il est jugé apostat et s'applique sur lui les ahkam de l'apostat. Donc ça, c'est simplement des exemples. Encore une fois, on trouve ça dans tous les livres de fiqh des 4 madhahib. Et le Cheikh Mohammed, il a cité dans Mufid al-Mustafid, il a cité beaucoup de paroles des 4 madhahib pour montrer qu'il n'est pas venu avec un 5e madhahib, mais bien qu'au contraire, tous les ulama ont été unanimes sur ça. On va arrêter là, Inch'Allah. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on continuera avec le chapitre suivant, qui est donc Babun min al-Shirki, Lubsul Halqa, Wal Khayt, Wunahwihima, Lirafi al-Bala. أو دفعه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.